assis là, dans l'herbe verte et humide, nous nous regarderions. Je serais ébloui tant de ta beauté que par le lever du soleil. Le rayonnement du ciel te serait une aura céleste. Une touche d'orgueil viendrait panser mon amour. Avoir cueilli si belle fleur, moi, ce ne pourrait pas être réel.